Les filandières. À proprement parler, elles sont plus arboricoles qu'agricoles. Elles occupent hors série une place exceptionnelle. Nous atteignons ici le sommet de l'art et de l'industrie. Les fourmis filandières, découvertes ou pour mieux dire expliquées depuis moins de 30 ans, le Coffilas et Polyrachis, habitent les régions tropicales de l'Asie, de l'Afrique et de l'Australie. On a récemment constaté que le Componotus senex du Brésil tissait son nid de façon identique. Les filandières sont notamment assez populaires en Indochine, où les indigènes les respectent et les soignent, car elles défendent les plantations contre les attaques de divers parasites. Bunyan, Dauphlin, Dodd, Carl Friedrich, Guldi et quelques autres les ont étudiées. Pour construire leur nid, elles commencent par jeter leur dévolu sur deux ou trois longues feuilles qu'elles désirent réunir. Rangées et solidement agrippées sur le bord de l'une de celles-ci, au nombre d'une centaine s'il le faut, nous dit Dodd, agissant de concert de leurs mandibules, elles saisissent la feuille voisine. Si elles ne peuvent directement l'atteindre, elles forment la chaîne ou le pont, chacune d'elles étreignant solidement sa compagne par le pétiole entre le métathorax et l'abdomen, jusqu'à ce que la fourmi de tête parvienne à accrocher et à rapprocher l'autre feuille. Quand les bords se touchent à peu près, ou du moins se trouvent à la distance jugée convenable et commode, il s'agit de les maintenir à leur place. Alors interviennent les fileuses. Elles portent entre leurs mandibules une larve, qui se préparait à tisser son cocon, et qu'on vient d'arracher à ses préoccupations égoïstes afin de la consacrer à des travaux d'utilité publique. C'est pourquoi les larves et les nymphes des fileuses sont toujours nues, toute soie disponible étant réquisitionnée pour la confection du nid. Au moyen du fil encore visqueux que secrète son outil, la tisseuse, passant et repassant sa vivante navette, relie et fixe les deux bords. Les autres filandières, leurs larves entre les dents, en font autant sur toute la longueur de la feuille. Et le travail se poursuit jusqu'à ce que le nid, entièrement tissé, devienne un énorme cocon divisé en une infinité de chambres à parois et colonnettes de soie. Voilà donc que pour la première fois dans le monde animal se révèle l'usage de l'outil. On n'en trouve pas d'autres exemples chez les insectes ou chez les mammifères qui occupent les sommets dans la hiérarchie des êtres vivants. Il est vrai, paraît-il, qu'on a vu parfois un singe enchaîné se servir d'un bâton afin de rapprocher une banane ou une noix qui ne se trouvait pas à la portée de sa main. Mais le fait semble si précaire, si incertain, et né de velléités si incohérentes et si hasardeuses, qu'il est impossible de l'assimiler à l'emploi réfléchi et méthodique de la navette et du fuseau. Dans aucun autre domaine, les fourmis n'ont fait un pas qui les ait mises plus près de nous. Elles ont réellement franchi une frontière qui paraissait presque aussi infranchissable que celle du feu. Nous nous émerveillons que nos animaux domestiques les plus intelligents passent chaque jour à quelques millimètres d'une idée sans l'apercevoir. Mais qui nous dit que nous ne passons pas aussi à côté de beaucoup d'autres idées qui, à d'autres intelligences, doivent paraître aussi simples, aussi élémentaires que celles de l'outil ? Et que nous ne remarquons peut-être jamais bien qu'à chaque instant, comme disent les enfants dans leur jeu, nous brûlions. Les fourmis iront-elles plus loin ? L'étude de leur évolution des temps paléontologiques à nos jours ne permet pas d'en décider. Mais il n'est pas impossible que de ce côté se préparent sinon des dangers, du moins des nuages, dont nous aurons à nous occuper. En tout cas, leur marche sera si lente que lorsqu'ils deviendront menaçants, nous n'existerons plus. Car tout semble présager que l'homme, le dernier venu sur cette terre, sera le premier à la quitter pour aller on ne sait pas encore où.